Vas-y, toi. Vas-y, laisse-moi tranquille. Non. Les enculés. Arrête de faire la meuf, là, vas-y. Putain. Non, je casse les couilles. Chier, c'est pas ça. Ce pute. Vas-y, c'est le reste du métier, ma gueule. Arrête. Fais pas chier, mes négros sont fâchés, cachés, fous, on est trop sur le marché. On rentrera pas chez nous, moi tu veux me clasher. Mais tant que l'Afrique ne sera pas libérée, je serai chez moi partout dans le monde. Fais pas chier, mes négros sont fâchés, cachés, fous, on est trop sur le marché. Parez-vous, moi tu veux me clasher. Maintenant que t'as plus de Zidane, dis-moi comment tu vas me sauver de la dynamo. La douleur est interne et pas comparable. Les plaies sont restées ouvertes et y'a aucune parade. L'énergie déployée pour joindre les deux bouts, c'est souvent taché par dégoût quand d'autres pensent à mourir caché. C'est éveillé qu'on évolue dans nos cauchemars. L'esprit ne s'apaise pas qu'avec une bonne taffe, mais avec cette rage qu'on David Coulthard. Les couches tard savent qu'au fond y'en a marre de leur salade. Quand je vois que tu contamines ta volaille pour nous rendre malades. Asservis, nous on brave les interdits. Avertis, on attend que tout ça se termine. On n'a pas de permis quand on suit ton périph. Comment veux-tu que les poches vides, on kiffe la vie. Moi je prie pas Shiva, tous mes actes sont machinales. Dans cette réalité, faut que j'admette que j'ai pas si mal. Une mentale gosse dans un corps torturé, ça donne rien de bon. Je fais tout pour plus m'asseoir à ce dîner de con. Fais pas chier, mes négros sont fâchés. Cachez-vous, on est trop sur le marché. On rentrera pas chez nous, moi tu veux me clasher. Mais tant que l'Afrique ne sera pas libérée, je serai chez moi partout dans le monde. Fais pas chier, mes négros sont fâchés, cachez-vous, on est trop sur le marché. Parez-vous, toi tu veux me clasher. Maintenant que t'as plus de Zidane, dis-moi comment tu vas me sauver de la dynamo. J'aurais tant aimé déployer mes ailes pour atteindre les cieux. Mais au lieu de ça, c'est un pieu qu'on m'a mis dans les yeux. La colère en héritage, c'est la galère. La crainte de ne pas connaître l'amour véritable devient un réel mal-être. On épuise nos forces dans la tise, on baisse les ports. La crainte de pas être au top de ses performances devient une hantise. Quoi qu'on en dise, on est mieux lotis ici qu'au bled. Ne vaudrait-il pas mieux qu'on vive en paix au lieu de remplir les tombes des Français? C'est l'essentiel, c'est d'être en accord avec soi-même. Avant de juger qui que ce soit, faut voir où ça mène. Les bâtards nous font croire qu'on est les exploitants du marché de la banane. C'est pour ça qu'on se prostitue, mieux vaut jeter dans le canal. Être smicard ou dormir dans le mitard, telle est la question. Il se fait tard à rentrer chez toi, fiston. Tu sais, y'a un dicton qui dit que le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors évite de prendre la tête pour des broutilles. Fais pas chier, mes négros sont fâchés. Cachez-vous, on est trop sur le marché. On rentrera pas chez nous, moi tu veux me clasher. Mais tant que l'Afrique ne sera pas libérée, je serai chez moi partout dans le monde. Fais pas chier, mes négros sont fâchés, cachez-vous, on est trop sur le marché. Parez-vous, moi tu veux me clasher. Maintenant que t'as plus de Zidane, dis-moi comment tu vas me sauver de la dynamo. La la la la la.